Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1812, Dominique Larrey, un médecin dans la campagne de Russie. Le 26 novembre 1812, la grande armée de Napoléon, qui a dû battre retraite devant Moscou, doit maintenant franchir la Bérézina. La Bérézina, aujourd'hui un mot synonyme de désastre, est alors un fleuve en crue, charriant d'énormes blocs de glace. L'armée impériale, talonnée de près par celle du tsar, réussira finalement à passer. Mais quelle débâcle ! De la grande armée, forte de près de 500 000 hommes il y a 6 mois, il ne reste que 40 000 soldats et civils, blessés, malades, gelés et affamés, abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés, sauf d'un homme, Dominique Larrey, le chirurgien en chef de la grande armée. « Ma place, dit-il, est avec les blessés ». Surnommé la Providence du soldat, ce brillant chirurgien qui a accompagné Bonaparte dans toutes ses campagnes va d'une certaine manière inventer la médecine d'urgence. Au milieu de combats d'une violence inouïe, il comprend qu'il faut soigner les blessés au plus tôt sur le champ de bataille, même les blessés ennemis. Mais Dominique Larrey, fils de cordonnier devenu baron, incarne aussi toutes les contradictions de l'Empire. Fidèle à l'Empereur et à la Révolution, le chirurgien ne peut que déplorer la sauvagerie de la guerre à outrance. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Thierry Lenz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, le directeur de la Fondation Napoléon, l'auteur aussi récemment d'un monumental dictionnaire historique sur Napoléon chez Perrin. Alors vous écrivez en préambule, une petite note personnelle, vous dites que vous avez 60 ans, dont 40 ans de napoléonisme, un mot que j'ignorais. Alors comme beaucoup d'historiens spécialistes de Napoléon, je suppose que vous êtes tombé tout petit dans cette passion. Oui, c'était en 1969, donc j'avais 10 ans, hein, le calcul est vite fait, puis, et c'était le bicentenaire de la naissance de Napoléon, donc au fond le premier des bicentenaires, le dernier étant programmé l'année prochaine. Alors dans votre dictionnaire, il n'y a pas d'entrée spécifique pour Dominique Larrey, mais il apparaît bien sûr d'autres chapitres, médecine et campagne de Russie. Pour vous, quelle place dans l'épopée napoléonienne occupe ce médecin qui est devenu chirurgien en chef de la Grande Armée ? Il occupe une place importante, voire très importante, puisque Napoléon en parle beaucoup à Sainte-Hélène, dans ses confidences à ses compagnons d'exil. Et évidemment, il a eu, avant que Napoléon en parle, une grande importance sur le terrain, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut dire qu'il est l'inventeur non seulement de la médecine d'urgence, mais aussi de la façon dont la médecine d'urgence est pratiquée en France, c'est-à-dire stabilisation du blessé d'abord et puis transfert ensuite. Vous savez que dans beaucoup de pays, c'est l'inverse. Dominique Larrey a écrit ses mémoires aussi. Il a une importante correspondance qu'il a eue avec sa femme notamment. Grâce à ces précieux documents, on a le récit au plus près aussi de ce que furent les campagnes de Napoléon. Et c'est donc à travers le regard de cet homme que nous allons revivre la retraite de Russie. Alors nous le suivrons jusqu'à la morne plaine de Waterloo, jusqu'au jour même où il échappera de peu à un peloton d'exécution. Mais d'abord, Thierry Lenz, pour bien comprendre la situation de départ, qu'on commence la fiction, pouvez-vous nous rappeler où en est le règne de Napoléon en 1812 et pourquoi cette campagne de Russie ? Alors la campagne de Russie commence en juin 1812. Ses causes directes sont des petits prétextes, le blocus continental, l'annexion par la France d'un petit duché dont la sœur du tsar est une des héritières, etc. Mais la cause la plus profonde, c'est l'idée de prépondérance de domination de l'Europe. D'un côté, à ce moment-là, Napoléon est dans une position prépondérante. Il est dans la position prépondérante, mais comment dire, il n'arrive pas à convaincre la Russie d'appliquer les accords qui ont été passés quelques années plus tôt, qui étaient des accords assez léonins, hein, qui évidemment ne pouvaient pas durer. Et de fil en aiguille, à force de s'envoyer un petit peu de vaisselle à la tête entre 1807 et 1812, on en arrive à cette guerre qui est en fait une guerre de toute l'Europe occidentale contre la Russie. Puisque c'est pas une guerre de conquête. On cherche pas à conquérir la Russie. Voilà, on veut en venir aux mains et puis faire plier son adversaire. Et pour cela, Napoléon a monté une armée comme il en a pas existé beaucoup avant lui dans l'histoire, puisque il a des contingents de quasiment tous les pays européens sauf la Suède. Et donc ce sont les fameux 600 000 dont vous parliez tout à l'heure, dont à peu près la moitié sont français seulement. Tout le reste est italien, allemand, suisse. Mais pourquoi en novembre 1812, quelques mois donc plus tard, c'est le départ de cette campagne, pourquoi la Grande Armée va-t-elle battre retraite? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, Napoléon tombe dans un piège. Les Russes l'attirent de plus en plus sur le territoire immense de la Russie. Il arrive à prendre Moscou, mais c'est vraiment, vous savez, le paquebot en fin de course qui, finalement, parce qu'il est beaucoup plus puissant, arrive à Moscou. Puis à Moscou, l'incendie, le pillage de la ville, désorganisation de l'armée. L'hiver qui arrive, Napoléon, très longtemps, n'a pas cru à l'hiver russe. Là, il va commencer à se rendre compte que l'hiver pourrait être froid. Et donc, il décide de se replier pour prendre des quartiers d'hiver, et évidemment, les Russes l'empêchent à Smolensk, notamment, de s'installer pour attendre le printemps suivant. Il est donc obligé de se replier jusqu'au bout et de passer pour ça la Bérézina, où on lui a coupé la route finalement. Thierry Lenz, je propose que nous poursuivions cette discussion après la fiction. Tout de suite, 1812, Dominique Larrey, un médecin dans la campagne de Russie. Un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Deux heures que j'opère sous la mitraille. Ah, l'aiguille s'est cassée. Ah ! La plaie est peu profonde et la suture est propre. Bouilli ! Une aiguille ! J'ai les doigts engourdis par le froid. Ce visage si jeune. Il n'entend pas. La jeune garde a été désignée pour couvrir notre repli. Combien vont rester sur le carreau ? Ambulance ! Emmenez-le. Ce froid. Moins 21. On a perdu 10 degrés en une semaine. J'en ai fait des campagnes avec Napoléon. Mais la Russie... Le froid est un ennemi invisible. Les soldats, tout le temps, me demandent « Docteur, je vais vivre, n'est-ce pas ?» On va peut-être tous y laisser notre peau. Ça ne devait pas se passer comme ça. En quittant Moscou, on devait prendre nos quartiers d'hiver à Smolensk. Mais les Russes nous harcèlent. Un mois que nous fuyons devant eux. La nuit à dormir à ciel ouvert. Le jour à éviter les balles. Et cette neige, on ne voit rien. Les Russes attaquent par surprise, et nous, nous bataillons contre des ombres. Ils attaquent par l'est. Nous sommes cernés. Un obus a éclaté dans le bois là-bas. Je vais essayer d'y arriver. Ce blessé-là, il respire. À moitié couvert de neige. J'ai failli passer à côté. Ambulance ! L'empereur peut-il encore nous tirer de là ? Ambulance ! Où sont les infirmiers ? Infirmiers ! 17 novembre 1812, en pleine retraite de Russie. La Grande Armée a été attaquée à 500 km de Moscou, dans le village de Krasnoé. Dominique Larrey, récemment nommé chirurgien en chef, 46 ans, cheveux longs bouclés, emmitouflé dans sa pelisse, porte secours aux blessés sous la mitraille. Depuis 1793, il est de toutes les campagnes de Napoléon. Il y a quelques mois, l'empereur a lancé la campagne de Russie. Arrivé devant Moscou, pendant 40 jours, il a attendu en vain la capitulation russe, avant de voir soudain les habitants incendier leur ville. 150 000 Français, civils et militaires, se sont alors jetés sur les routes de la retraite. Ce 17 novembre, malade du froid glacial, sous le ciel rouge des incendies et le tir des canons ennemis, tous savent que la bataille de Krasnoé est décisive. Ah oui, vite, lui. Et les chirurgiens. Alors, tous partis dans les ambulances, docteur. Il a l'air mal en point. Un coup de baïonnette. On va te sortir de là, soldat. Il nous regarde avec tellement d'espoir, ça fait peur. Hémorragie, bouche faible. Il faut faire vite. La médecine est la science des faits, oui. Oh, vous parlez chirurgie comme Bonaparte d'art militaire. Ouais, viens là, mon gaillard. Grimpe sur mon dos. Allez. Te laisse pas aller, hein. Allez. À l'ambulance, fais-lui un pansement serré et reviens vite. Envoie-moi du monde. Je peux aider, docteur ? Madame, les civils n'ont rien à faire ici. Regagnez votre calèche. Avec les Cosaques qui traînent partout. Sûrement pas. Ce manteau rouge, vous ne seriez pas... Mais oui, la directrice du théâtre à Moscou, n'est-ce pas ? Aurore Berset, en effet. Émigrée en Russie avec les aristos en 1789. Rien au monde n'aurait pu me faire quitter Moscou. Pardon, je dois m'occuper de celui-là. Voulez-vous que je lui soulève la tête ? Je n'arrive pas à voir la profondeur de la plaie. Merci. Retournez à votre voiture. Dites-moi ce que je peux faire. Le plus compliqué, c'est trier les blessés. Évaluer la gravité des blessures. Dans l'urgence, comme ça, faut pas se tromper. Abandonner quelqu'un qui pourrait être sauvé. Celui-là ! On ne peut rien pour lui. Désolé, je voulais pas vous choquer. Ne vous inquiétez pas, je suis tombée dans une totale indifférence. Hier, au milieu de la route, j'ai vu un homme couché sur le ventre qui essayait de se relever. Je ne me suis pas arrêtée. C'est le plus difficile, garder un peu d'humanité dans la guerre. De la troupe, nous ne sommes plus que deux. Louise, danseuse de pantomime, et moi. La costumière a été tuée par une grenade. Et les autres, je ne sais pas. Perdu. Oh, celui-là, il est vivant. Allez, faites-lui un pansement. Voilà tout le bandage qui me reste. Venez, mettons-nous à l'abri dans le fossé. Vous avez un sang-froid incroyable. Ne croyez pas ça. Je serais capable de tuer. Pour du pain. Moi, Aurore Berset, chanteuse à l'Opéra de Paris, j'ai faim, docteur. Tenez. J'ai toujours quelque chose sur moi. Oh, du fromage. Bouilli. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Napoléon est arrivé à Moscou, je me suis dit, c'est la Providence. On a joué 11 comédies. Les caisses du théâtre débordaient. À présent, c'est vous, la Providence. Ah, le voilà. Par ici. Restez humain, même dans la guerre. Docteur. Docteur, les combats se déplacent vers les champs, là-bas. On va pouvoir ramasser les blessés. Appelle les ambulances. Je continue d'avancer. Oh ! Quoi, vous êtes blessé ? Laissez-moi voir. Je ne sens rien. La balle ne vous a qu'effleuré. Je vais vous faire un pansement. Ah non, ce n'est rien. Docteur, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Madame est blessée. Merci, docteur. Là, Bouilly, emporte celui-là. Madame, si vous le prenez dans votre calèche, ça lui évitera d'attendre l'ambulance. Bien sûr. Ma calèche est là-bas, sur la route. T'as du bol, toi. La voiture de madame. Ouverture et peau d'ours. Un coq en pâte. Merci. Allez, viens. Partez, madame. Et bonne chance. Peut-être nous reverrons-nous à Paris, docteur. Si j'échappe aux Cosaques. C'est drôle, non? Ah! Les ambulances qui reviennent! Alors que les chirurgiens avaient l'habitude de se cantonner à 4 km des zones de combat, Dominique Larrey, lorsqu'il était jeune chirurgien militaire, avait observé qu'un soldat soigné dans les plus brefs délais augmente ses chances de survie. Il a alors conçu un service chirurgical de premier secours sur le champ de bataille, les ambulances volantes. Ce 17 novembre, elles évacuent 1200 blessés jusqu'à l'hôpital de Krasnoé. La neige ne cesse de tomber. Les soldats, les pieds enveloppés de chiffons, avancent péniblement sur les chemins verglacés, suivis des canons, des fourgons et des 50 000 civils, femmes, enfants et domestiques. L'objectif, atteindre la frontière. Le 26 novembre, l'armée arrive devant le fleuve Bérézina, qui est en crue, charriant d'énormes blocs de glace et donc infranchissables. L'état-major décide immédiatement de faire construire deux ponts, un pour les canons et les véhicules les plus lourds, l'autre pour les équipages civils et les piétons. Le lendemain, Napoléon et son état-major, suivis de la garde impériale, empruntent le premier pont. Larrey, lui, a choisi d'attendre avec les ambulances et les blessés que s'achève, la nuit suivante, la construction du second pont. Les pontonniers, comme je les admire. Construire un pont en moins de 24 heures, sur un fleuve de 80 mètres de large, et ils vont travailler encore toute la nuit, dans l'eau jusqu'au cou. Plus que quelques heures d'attente. Une fois de l'autre côté, 300 km et nous serons en Lituanie. Ah ! Une comète, parallèle à l'horizon. Sa mince chevelure disparaît vers l'Arctique. Il y en avait dans le désert égyptien, juste avant notre victoire au Caire. Bon présage. Ah, Bouilly. Alors, le moral des troupes ? Pas terrible. Vous croyez que ça va marcher ? quoi donc ? La manœuvre de diversion, quoi. On a envoyé les Russes à 30 km d'ici aux trousses du général Corbino, tandis qu'en fait, on va traverser ici. Le marais du Cotentin, vous connaissez ? C'est chez moi. Bah, c'est comme ici, marécage et bourbier, le froid en plus. Oh, j'ai les mains gelées. Non, ne les approche pas du feu. Le choc thermique peut provoquer la gangrène. Frictionne tes doigts avec de la neige. De la neige ? J'ai pas assez froid comme ça. Fais ce que je te dis. Tu veux de la soupe ? Vous rigolez, mais faudra quand même expliquer pourquoi vous n'êtes pas passé ce matin avec l'état-major. Ma place est avec les blessés, c'est tout. Vous en avez de bonnes. Ici, c'est chacun pour sa peau. Faut essayer de faire preuve d'humanité, même si on craint pour sa vie. Pour un bout de pain, ça sort le sabre et fend la tête du copain. J'en ai vu un qui assommait son cheval. Et voilà Tipa, il se met à le manger tout cru qu'il était même pas mort. Et il menaçait ce qu'approchait comme s'il allait se le manger tout seul, son cheval. L'égoïsme, docteur. La pire maladie. On ne peut pas en vouloir aux soldats. Ils n'en peuvent plus. L'autre jour, j'en ai vu un qui se laissait mourir de froid au bord du chemin. Un autre l'a relevé et ils sont partis. Vous voyez, moi, docteur, je crois qu'on est cuit. Oui, je vais te confier une chose. Quand Napoléon a décidé d'attaquer la Russie, j'ai eu un mauvais pressentiment. Comme si j'avais su tout ce malheur qui nous attendait. Mais je me suis dit, pour avoir la paix en Europe, il faut faire la guerre. C'était notre mission. Que oui. Au début, j'écrivais à ma femme. Seuls les soldats sont de bons républicains. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos... Aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, fais voir ton bras. Ah, ça cicatrise mal, à cause du froid. En Égypte, les plaies se fermaient en 2 jours, même les piqûres de scorpions. Et l'Égypte, c'était quand ça, docteur ? 1798. J'avais 4 ans. Et ça existait, les ambulances volantes ? Mm-hmm. Je les avais créées l'année d'avant, pendant la campagne d'Italie. Mais pas mal de gars vous doivent une fière chandelle. Docteur, je voulais... d'en parler, ça me fait de l'émotion. Même avec mon bras perdu à la Moscova, vous m'avez gardé. Et pas que moi, tous les artilleurs invalides, pour servir encore dans les ambulances. On vous remercie pour ça, docteur. Mm. C'est une chance pour moi de t'avoir, oui. Allons dormir. Oui, dormir, le meilleur médicament. Les ambulances volantes, créées par l'arrêt, sont des petites voitures légères en forme de caisson. Tirées par 2 chevaux, elles transportent 4 blessés. Chacune a un numéro et une équipe chirurgicale dédiée, parée à intervenir. Un chirurgien à cheval, avec trousse d'instruments d'urgence et premiers pansements, 2 assistants et 1 infirmier. L'arrêt les a formés à suturer les plaies sur le champ pour éviter les infections et à pratiquer les amputations en quelques minutes. À l'aube de ce 28 novembre 1812, sur la rive du fleuve Bérézina, l'arrêt s'apprête à traverser le fleuve à la tête de son service chirurgical. 800 personnes, des chariots de matériel et une escouade de 50 ambulances volantes. Il regarde avec inquiétude en direction des collines. Les Russes arriveront de ce côté. L'aube est glaciale. Quand je raconterai à Elisabeth que pour me réchauffer, je bois du bouillon de viande de cheval agrémenté de poudre à canon. Allez, courage, il faut se laver. La tête dans l'eau glacée, comme tous les matins. Excellent pour la circulation. Friction de vinaigre contre les poux. Vouilly a raison. Je me demande si le pont va résister. Avec toutes ces ambulances, ces civils et ces calèches chargées à bloc. Vous avez vu la foule ? Dans la nuit, tous les traîneurs estropiés se sont ramenés. Vous auriez dû passer hier, je vous l'avais dit. 7h30, tout le monde est prêt ? Pas dit qu'on aura le temps de tous traverser avant que les Russes rappliquent. Mais qu'est-ce que vous regardez là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ces caisses, là ? T'as vérifié que tout le matériel de chirurgie a été chargé ? Des bistouris, des seringues... C'est à nous, oui, ces caisses-là. C'est bien de vérifier. Il y en avait combien, tu te rappelles ? Des caisses ? Je dirais 8 ou 9. Si les Russes se pointent... 7, 8, 9. Bien, tout est là. Et pouvoir tirer la charrette tout seul ? Laissez. Vous voulez pas qu'on passe en premier ? On va se mettre dans la queue devant le pont et attendre notre tour, comme tout le monde. Ouais. Drôle de fleuve, la Bérézina, hein ? Un torrent de boue, hein ? Voilà, en attendant, il tremble sec, ce pont. Et vous m'écoutez, docteur? Dans les caisses, t'as bien vu les sacs de pansements pour les infirmiers. Et les sacoches des chirurgiens. Eh oui. Et pourquoi vous regardez tout le temps les collines? Les Russes. Allez, docteur, faut passer. Venez, venez, venez. Le pont s'écroule. Docteur! Docteur, la passerelle s'est juste un peu affaissée sous le poids de la foule. Non, non, non, docteur, il n'y a rien à faire. Vous pouvez passer. Laissez passer, mon cerveau. S'il vous plaît. Non, rien. Laissez passer, ils sont bénis. Comme un paquet de linge, de bras en bras, et hop, j'étais de l'autre côté du pont. Place à Monsieur Larrey, il disait. Ah, l'attachement des soldats, c'est la plus belle récompense. Au milieu de l'apocalypse, on glissait dans le sang. On voyait des soldats écrasés par les débris du pont. Une cantinière se noyait. J'entends encore les hurlements des pauvres gens qui étaient sur le pont quand on y a mis feu. Quel silence à présent. L'univers blanc. Gelé. Mon cheval peine à avancer. À Vilnius, on va pouvoir s'arrêter et reprendre des forces. L'empereur est rentré à Paris. Le plus dur est fait. Voilà les dômes noirs d'une église orthodoxe. Enfin, Vilnius. 9 décembre 1812. Après le désastre de la Bérézina, où elle a échappé de peu à l'encerclement, la grande armée de l'empereur espère prendre ses quartiers d'hiver à Vilnius, ville sous contrôle français depuis l'été dernier. C'est là que Dominique Larrey et son collègue, René-Nicolas Desgenettes, médecin en chef de l'armée, vont installer un hôpital où réunir tous les blessés survivants. Les deux hommes, qui ont fait ensemble de nombreuses campagnes, s'apprécient, même si tout les sépare. Desgenettes est un aristocrate normand, royaliste, tandis que Dominique Larrey, fils de cordonnier, a participé avec enthousiasme avec d'autres étudiants chirurgiens à la prise de la Bastille par haine du despotisme. Ce 9 décembre, quand Larrey arrive à Vilnius, la ville est prise dans la glace. La température est descendue à moins 36 degrés. Mais pour qui se prennent-elles? Dites-leur qu'elles ont déjà bien de la chance d'être là. Qui ça? Ah oui, les deux femmes soldats. Elles demandent une chambre isolée, rien que ça, non mais... Tu te souviens, à Malte, le cavalier blessé par les Maltais? Ah oui, c'était une femme, je me rappelle. Drôle d'histoire. Ah, l'empereur était fou de rage, elle s'est jetée à ses pieds, il en est tombé fou amoureux. Ah, Larrey, tu arrives encore à rire. Moi, je suis las de cette guerre. C'était donc pour ça votre révolution? Desgenettes, nous en avons parlé 100 fois. Il faut défendre l'égalité, maintenant que nous l'avons. Bon... Je t'ai fait venir pour que tu vois ce gars là-bas. Ah! Cette blessure par balle qu'il a sur les mains. Ah, toi aussi ça t'étonne. Encore un qui s'est mutilé lui-même. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, pour avoir le certificat d'invalidité. Mais non, non, ce gars a reçu plusieurs balles. Une à la cuisse, une à l'abdomen. Et les doigts arrachés? Il ne sait pas manier son fusil. Et celui-là? La main transpercée par une balle. Mais c'est Flourette, un vétéran d'Égypte. Tu vas pas mettre en doute son dévouement. L'ennemi vise les mains pour estropier, tu le sais très bien. Ta-ta-ta-ta-ta, auto-mutilation. L'empereur m'a demandé un rapport. Oui, alors c'est ça, les généraux cherchent à minimiser les pertes en faisant passer nos soldats pour des déserteurs. Il est vrai qu'on parle de 400 000 morts. En tout cas, j'espère que tu feras bloc. Résolument, non. Non, cette accusation est fausse. Larrey, il y a trop de déserteurs. Il faut des exemples. Oui, et faire passer des braves soldats dévoués à l'empereur en conseil de guerre. Ils risquent la peine de mort, Desgenettes. Je vous laisserai jamais faire ça. Docteur Larrey! Oui. Ils sont là, ils arrivent. Les Russes, ici à Vilnius. Les Cosaques. Et nos blessés. Ne perdons pas une minute. Partons. Docteur, faut y aller, sans regarder en arrière. Vouilly, attendez. Avant de partir, placardez des panneaux en russe pour implorer qu'on s'en occupe. Dans la nuit du 21 au 22 décembre 1812, les Français, talonnés par les Cosaques, doivent fuir Vilnius. Larrey laisse derrière lui 20 000 blessés. Sur les 600 000 soldats que comptait la Grande Armée au printemps, seuls 18 000, 6 mois plus tard, repassent le Niemen à quelques kilomètres de Vilnius. Un soir de décembre, Larrey arrive seul en pleine nuit à Königsberg pour y rejoindre l'état-major. La température se maintient à moins 30. Il erre des heures dans la ville, tenant son cheval par la bride, à la recherche de la maison d'un de ses amis, Jacobi, un vieux professeur qu'il avait accueilli en 1807, après la bataille de Friedland. Mais cette nuit, Jacobi osera-t-il ouvrir à cet inconnu couvert d'une peau de mouton et qui tient à peine debout? Seul dans une longue nuit gelée. Où est Dejnet? Il marchait avec moi, il a disparu dans la tempête de neige. Les Cosaques l'ont peut-être fait prisonnier. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est cette rue, je crois. La maison de Jacobi devrait être là, juste au coin. Depuis des jours, nous fuyons. Fuyons, je voudrais m'arrêter un peu. Et me voilà complètement perdu dans une ville où je ne reconnais rien. En 1807, c'était l'été à Königsberg. Heureusement, mon cheval est ferré à glace, sinon je ne serais jamais arrivé jusqu'ici. Je suis à bout. C'est ici? Non. Attention de ne pas glisser sur le verglas et de mourir de froid si près du but. Mais cette lassitude profonde, les crampes, saignement de nez, la fièvre, le typhus. J'ai le typhus. Ah, c'est là. Je reconnais la porte. Jacobi! Jacobi, mon ami, c'est le docteur Larrey. Ouvrez! J'ai si froid. Me voilà comme revenu d'entre les morts. Oh, si vous saviez. Jacobi, ouvrez! Ouvrez! La grande armée n'existe plus. Jacobi est ravi d'accueillir son vieil ami. Et quelques jours plus tard, Larrey, remis sur pied, réorganise les hôpitaux saturés de blessés et la mise en quarantaine des malades du typhus. La campagne de Russie s'achève, commence la campagne d'Allemagne. Les Allemands, par un retournement d'alliance, se sont alliés aux Russes. Les Français sont contraints de se replier. À l'été 1813, Larrey s'affaire à l'hôpital de Dresde. C'est vous qui leur avez dit de faire ça aux gens, transporter les blessés dans les brouettes? Oui. Ouais, il est drôlement gentil, le peuple d'ici. Oh, comme tous les peuples. Oui, peux-tu emballer ces instruments? Vos ordres. Vous avez encore des écritures à faire? Encore cette histoire d'automutilation? L'empereur a mon rapport, mais n'a pas rendu sa décision. Non, c'est autre chose. Je veux lui présenter un projet de loi qui garantisse l'autonomie du service de santé. Un budget dont on disposerait, tu comprends? Si je comprends. L'administration de guerre, quand ils ont plus d'argent, plus de pansements. Ou alors ils laissent les ambulances à 4 jours de marche derrière. Je les ai vus vendre des vivres aux blessés, c'est pourri. Je compte sur vous pour nous faire une belle loi. Les instruments, je les mets dans la salle d'opération? Attends. Tiens, voilà. Mes états de service? Un certificat médical? Oui, il est temps pour toi de regagner le Cotentin. La Révolution a donné le droit à tout citoyen soldat mutilé de guerre d'avoir une pension pour service rendu à la nation. Une pension? Je suis très bien comme je suis. Je reste ici. Écoute, je t'ai trouvé un poste de garde-côte dans le nouveau port militaire de Cherbourg. Oh, à surveiller les Anglais. Tout de même, comment je vais m'ennuyer, moi, dans le Cotentin, après tout ça? Allez, allez, Vouilly, ton bras est mal cicatrisé, ça m'inquiète. Ah, docteur. D'accord. Mais ça me fait trop d'émotion. Et vous, que ça fait plus d'un an sans voir votre famille? Ce sera pour plus tard. 8 janvier 1814. Larrey reprend le chemin de Paris après 2 ans d'absence. L'Empire a perdu l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et il y a un mois, la coalition ennemie formée par la Prusse, la Russie et l'Autriche a franchi les frontières françaises et a mené la guerre sur le sol national. Larrey, en poste à Metz, vient d'obtenir un congé et file vers Paris pour retrouver sa famille dans leur demeure, impasse de Conti. Sa femme, Elisabeth Laville-Leroux, fille du dernier ministre des Finances de Louis XVI, est une grande bourgeoise, républicaine convaincue. Si Larrey a été fait baron d'Empire en 1808, c'est un pauvre chirurgien militaire qu'elle avait épousé il y a 20 ans lors d'une cérémonie civile. Ils ont une fille, Isore, 16 ans, et un fils de 6 ans, Hippolyte. Elisabeth est peintre. Elle a été élève dans l'atelier de David et excelle dans l'art du portrait. Ne bouge pas. J'ai tellement à faire. De bonne grâce, s'il te plaît. Je veux ton portrait dans le salon pour que les enfants le voient chaque jour. Bon, et Moscou, c'est comment? Quand on est arrivé, la ville était déserte. Un silence tragique. Mais dans tes lettres, tu parlais de palais, de basilique d'or et d'argent. Je ne voulais pas t'inquiéter. C'est vrai que cette ville est un éblouissement. Et les quartiers populaires, indiens ou chinois, au parfum d'épices, comme au Caire... Garde la tête bien droite, s'il te plaît. Ils ont tout brûlé ? Moscou n'était plus qu'une lueur rouge, des gerbes de feu attisées par le vent. Et ce sifflement épouvantable des poutres qui s'écroulent. Et les pauvres gens qui habitaient là ? Elisabeth. C'est difficile de partager l'horreur, dire avec des mots ce que j'ai vu. Les petits-enfants terrifiés, les vieillards traînés dans des chariots... Il vaut peut-être mieux oublier. Non, arrête de ramener tes cheveux en arrière quand tu parles. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop longs. Tout ce que j'ai vécu avant, ce n'est rien. D'où te vient cette cicatrice au bras ? Un coup de feu au passage de la Bérézina. Et cette blessure à la main, elle est nouvelle aussi ? Un coup de baïonnette, je ne sais plus où. Oh, ma chère, le soir au bivouac, pendant la retraite, souvent je t'imaginais à la maison. Tu parlais avec Isor. De moi, peut-être. Cette pensée me réconfortait. Non, ne te tourne pas vers moi. Elisabeth, si je quittais l'armée, si on se retirait avec les enfants dans la solitude, étranger à tous les événements du monde. Tu dis ça, tu ne le penses pas. Pète un peu plus à droite. Ce portrait va être très réussi. Toi, tu peins, tu vis au milieu des belles choses, et moi, dans l'épouvante. Tu sauves des vies. Toi seul pouvais convaincre l'empereur d'imposer les ambulances sur le champ de bataille. On t'admire, Dominique. Je reste par fidélité à l'empereur. C'est quand même lui qui disait « je suis la révolution ». Oui, et il n'a fait que la guerre. S'il échoue, ce sera le retour de l'ancien régime. Non, mais c'est impossible, jamais. Comment serais-je devenu chirurgien en chef des armées sous leur monarchie ? Hein, dis-moi comment. Je sais ce que tu dois à la Révolution. Ce que nous lui devons. L'Empire, c'est le mérite contre les privilèges de la naissance. Mon bel officier, je sais. Mais l'opinion publique demande la paix. L'empereur est très impopulaire. Le sceptre des rois entre les mains de Napoléon est devenu l'instrument de la tyrannie et la ruine de la France. C'est ce que tu disais déjà le jour du sacre. Sombre prophétie. Et à présent, la guerre est aux portes de Paris. En ce mois de janvier 1814, les Prussiens, sous le commandement du général Blücher, sont à 400 km de Paris. L'empereur a péniblement réuni 80 000 hommes, épuisés par des années de guerres ininterrompues. La résistance à la conscription s'organise. Les Prussiens ont-ils l'intention de marcher sur la capitale ? Paris menacé redoute de subir le sort de Moscou. Bonne nouvelle, l'empereur m'a donné raison. J'ai sauvé ces malheureux qu'on accusait d'automutilation. Desgenais a mangé son chapeau. J'avais rassemblé 2632 procès-verbaux et lui n'avait aucune preuve. Allez, je dois finir ce rapport. 826 chirurgiens sont partis de Paris pour Moscou en 1812. 276 sont vivants. 137 prisonniers. 413 morts de faim, de froid, tués sous les balles, les lances des Cosaques, le typhus. Disparus à jamais sous la neige. Ce qui fait du service de santé un des plus meurtriers. Tu travailles ? Je te laisse. Non. J'ai un courrier que je voudrais te montrer. J'avais signalé que ma solde arrivait toujours en retard. Ils me disent que c'est réglé. Oh, et voilà une bonne nouvelle. Parce que quand je suis seule avec les enfants et que ta solde tarde trop... Tu souris ? Je voudrais que cet instant ne s'arrête jamais. Un cavalier ? Il hésite ? Oh, cet uniforme, ce courrier barré de cachets rouges, je le reconnais. C'est un aide de camp qui cherche une adresse. Il met pied à terre devant chez nous. Dominique, c'est déjà fini. Tu vas repartir. En 1814, la France est envahie par la coalition ennemie. Les Prussiens entrent dans Paris. Napoléon, qui abdique, est condamné à l'exil sur l'île d'Elbe. Comme le redoutait l'arrêt, la monarchie est restaurée. Mais très vite, Louis XVIII, à son tour, se rend impopulaire. Au printemps 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan et remonte vers Paris, pressé de reprendre le pouvoir. Sans hésiter, l'arrêt le rejoint aux Tuileries. Anglais, Russes, Prussiens, Autrichiens se liguent à nouveau contre la France. Et la guerre reprend. Le 9 juin, l'arrêt et le service de chirurgie quittent Paris pour rejoindre le front en Belgique. 10 jours plus tard, hélas, les troupes napoléoniennes, surprises par le commandant prussien Blücher, sont défaites à Waterloo. Et l'arrêt, alors qu'il essayait de regagner la frontière à la tête d'une compagnie d'ambulances, est fait prisonnier. Ils m'ont bandé les yeux. Est-ce que l'aube approche ? Ils vont m'exécuter. Ce coup de sabre sur la tempe, j'ai si mal. Waterloo. C'était donc ma dernière bataille. Fantassins, artilleurs, cavaliers tombés pêle-mêle avec les chevaux. La dernière atrocité. Élisabeth, adieu. Mon amour, mon bonheur, je vais mourir prisonnier des Prussiens. Oh, si j'avais un peu de poison. J'irai à la mort sans fléchir. Le vaincu est celui qui croit l'être. J'aurais fait mon devoir, emporter les blessés sous la mitraille jusqu'à la dernière minute. Vouilly avait raison. C'est ma plus belle invention, les ambulances volantes. Celle qui a sauvé le plus de vies. C'est maintenant ? Ils viennent me chercher ? Déjà ? Ouais. Ma vie est finie, déjà. Le soldat à côté de moi, il pleure. Le peloton d'exécution. Ils mettent en joue. Élisabeth. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'on en finisse ? On me sort du rang. Qu'est-ce qui se passe ? Où m'emmène-t-il ? Je ne comprends pas. Cette voix, c'est celle de Blücher. Le général Blücher. 50 ans qu'il pourchasse l'empereur, la France, la révolution de sa haine. Qu'est-ce qu'il me veut ? Ce n'est pas lui ! Oh, ils vous ont laissé pieds nus. Apportez des vêtements convenables. Je suis horriblement confus, monsieur Larrey. C'est une terrible erreur. Il croyait avoir pris l'empereur. Le chirurgien-major du régiment vous a reconnu. Il a été votre élève à Berlin. Je ne comprends pas, général. Je vous dois beaucoup, monsieur Larrey. Pardonnez-moi, je ne vois pas de quoi vous parler. Vous êtes un humaniste, monsieur Larrey. Et vous n'hésitez pas à secourir, n'est-ce pas, même vos adversaires. En effet, pour un médecin, il n'y a pas de nation, pas de galons, pas de noblesse, pas de paysans. Il n'y a que des blessures à soigner. Vous ne vous souvenez pas ? Vraiment ? Bataille de la Moscova, 7 septembre 1812. Sur la route de Moscou, 300 blessés dans une maison en feu, laissés là par leur propre armée qui avait fui. Ça ne vous dit toujours rien. Oui. Je me souviens vaguement des officiers prussiens. Je les ai fait transporter vers un village. En retardant votre départ, vous vous êtes mis en danger. Et vous n'êtes parti qu'une fois assuré de les laisser dans de bonnes mains. Je dois soins et protection à tous les blessés. Parmi eux, monsieur Larrey, il y avait mon fils. Vous l'avez soigné quand ses propres compatriotes l'avaient abandonné. En ce moment, il est en bonne santé, à la maison, auprès de sa mère. Ce bonheur, je vous le dois. Entrez ! Posez les vêtements ici. Voici une bourse pour vos frais de voyage. Un de mes aides de camp vous escortera jusqu'à Louvain. Général, j'ai un service à vous demander. Vous serez à Paris avant moi. Promettez-moi de prévenir ma femme. On a dû l'avertir de ma condamnation à mort. Blücher tient parole. Quelques semaines plus tard, Larrey est de retour à Paris. Napoléon abdique pour la seconde fois, la dernière. Il est bientôt exilé à Sainte-Hélène. Alors que les partisans de l'empereur sont bannis de France ou passés par les armes, Larrey, lui, perd ses fonctions. Pour faire vivre sa famille, il assure des consultations en ville et Élisabeth reprend ses pinceaux. Leur fils, Hippolyte, reprendra le flambeau en devenant chirurgien militaire sous Napoléon III. C'est plus tard, à la bataille de Solferino, qu'un certain Henri Dunant aura l'idée de créer la Croix-Rouge et d'instituer la neutralité des soins aux blessés dans la guerre. Depuis combien de temps ? Napoléon était à Sainte-Hélène. 6 ans, oui. Et j'apprends ce matin que je suis cité 4 fois dans son testament. Une époque qui finit. Comme je suis fier de marcher au bras d'Élisabeth et de ma fille. Elle a l'âge que j'avais quand j'ai reçu ma première citation à l'ordre de l'armée. J'avais enlevé sous le feu ennemi 4 braves républicains aux jambes fracassées, que les Prussiens s'apprêtaient à égorger. L'Europe avait les yeux braqués sur nous. Nous allions porter haut les couleurs de la Révolution et de ses lumières, nous, la grande nation républicaine. Fille des regrets. Louis XVIII vient de me nommer à l'Académie des sciences et je continue mes recherches. La médecine progresse à toute allure. Quant à me retirer à la campagne, il n'en est pas encore temps. Dominique Larrey, un médecin dans la campagne de Russie, de Christine Spianti, avec Dominique Larrey, Yannick Chouara, Vouillet, l'assistant chirurgien Johan Gazirovski de la Comédie Française, Elisabeth Larrey, Flora Brunier, Desgenettes, Norbert Ferrer, Aurore Burset, Noémie Bianco, Gebhard von Blücher, le maréchal de l'armée prussienne, Philippe Girard, et les voix de Laurent Motte et Julien Héricault. Bruitage Bertrand Amiel, équipe technique Émilie Couette et Cédric Chatelus, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on continue la discussion sur Larrey, le chirurgien de la Grande Armée de Napoléon, avec mon invité Thierry Lenz. There's no 5 years, there's no 10 years, only this. Queen of queen of queen of queens, there's no knife, 'cause there's no tension, only this. Lucid dream, dream. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain is the first cover. Skies open up, share a cup with her. Cracking seals, guilty of you. Trip down the hills, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Maybe I should study my reflection. Best to know how I see. I spend the day dreaming of connection, just to feel how you feel. All I can do is trust in her. Late nights I can see the lust in her. Acid rain. The first cover, skies open up, share a cup of love. Cracking seals, guilty not a pill. Trip down the hill, strawberry fields. Are you even real? She said, tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Dream of connection. Tell me how you feel. Tell me how you feel. Are you even real? Are you even real? Are You Even Real de James Blake sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florent Bujon. Thierry Lenz, quelle vie riche et incroyable, la vie de Dominique Larrey. Il est né en 1766, sous le règne de Louis XV, et il va mourir en 1842, après avoir vécu donc tous les épisodes de la Révolution française, la prise de la Bastille, le consulat, l'Empire, toutes les campagnes de Bonaparte et de Napoléon, le retour de la monarchie. C'est assez incroyable, ces vies de cette époque-là, oui, et la sienne en particulier. Lui, il est exactement dans la fenêtre de tir de tous ceux qui accompagne Napoléon dans son épopée. Donc évidemment, lui c'est la partie chirurgie-médecine, mais il y en a d'autres qui ont eu la partie militaire, d'autres la partie administrative. Et c'est vrai que ce sont des vies qui ont été probablement intéressantes pour ceux qui les ont vécues, mais un petit peu chaotiques, un petit peu secouées. Oui, ouais. Et puis il a failli mourir plusieurs fois, surtout qu'il était quand même... Bon, généralement, les soldats risquent leur vie, donc oui, mais lui autant peut-être que plus que les autres, vrai, les autres vrai. Médecins en tout cas, puisqu'il le dit ouais, lui-même, ouais, ouais. Il va sur le terrain, il va sur le champ de bataille, ouais. Ce que tous les médecins ne faisaient pas avant lui. La fiction le montre bien, il n'y a pas à cette époque la protection. Des médecins, des intervenants pour soigner, mais il y a quelques anecdotes qui disent que lorsque l'ennemi voyait passer l'arrêt, on arrêtait de tirer, notamment Wellington à Waterloo demande à ses canonniers de ne pas tirer au moment où il voit passer les ambulances de l'arrêt. Sa réputation s'étend au-delà de l'armée napoléonienne. On a entendu Blücher, mais vous dites Wellington lui-même a beaucoup de respect pour lui. Oui, il était très connu parce que d'abord Napoléon le mettait assez souvent en avant dans les bulletins de la Grande Armée. Il était au départ chirurgien de la garde impériale, donc en même temps très proche de Napoléon. Mais c'est vrai aussi que, avec quelques autres, et parce que Napoléon était prêt à le faire, il a aidé beaucoup au progrès de la médecine. On oublie de le rappeler, en tout cas, que cette époque-là et l'époque, c'est une époque de transformation profonde de la médecine, avec des noms que nous connaissons tous, Bichat, Laennec, Pinel pour la psychologie, tout ça parrainé par, on va dire, le grand parrain de tout ça, c'est quelqu'un qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle Corvisart, qui était le médecin personnel de Napoléon, mais qui était aussi professeur de médecine à Paris. Et ce petit groupe a fait beaucoup progresser la médecine, l'arrêt dans la médecine d'urgence. Il a par exemple inventé, pardonnez-moi du détail, mais une méthode d'amputation qui durait moins d'une minute. Hein. C'est-à-dire que les amputations, on le voit parfois dans des films, vous savez, c'était avec des scies. Alors dans les films, ils insistent beaucoup sur la souffrance, la scie qui cruic. Là, l'arrêt a inventé un appareil qui permettait, en même temps, si l'on peut dire, de retirer la peau, de couper l'os, de suturer. Tout ça durait à peu près moins d'une minute. Alors évidemment, pas d'anesthésique, c'était une grande souffrance pour le soldat, mais ça lui sauvait la vie. Oui, parce qu'il n'y avait aucun moyen sinon d'arrêter l'affection. Oui, parce que voilà, alors le problème aussi de cette époque, c'est l'infection. On savait suturer les plaies, on savait les brûler, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'antiseptique. C'est l'époque où on commence à se laver les mains avant de toucher un malade, etc. Donc vous voyez qu'on est au tout début, on va dire, d'une médecine élémentaire, de l'hygiène élémentaire. Et l'arrêt participe beaucoup à ce mouvement qui est le mouvement des Lumières, si vous voulez, puisque le siècle des Lumières a beaucoup travaillé sur les aspects scientifiques, etc., avec... introduit dans la médecine cette notion, on a entendu le mot d'ailleurs pendant la fiction, d'humanisme. On place l'homme au centre de la médecine, et l'arrêt, lui, a cette spécificité de la médecine d'urgence, avec, comme il a été aussi dit, la mention de l'ambulance, le fait que ce soit le chirurgien qui aille vers le malade et non pas l'inverse comme on le faisait longtemps, avec des petits centres d'opération intermédiaires avant d'évacuer le malade sur, on va appeler ça, des hôpitaux, mais évidemment ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Tout ça, les gens étaient un peu... Enfin, la bataille de l'époque, comme toutes les batailles d'ailleurs, c'est un grand désordre. Il y a du bruit, il y a de la fureur, il y a de la fumée, etc. Mais au milieu de tout ça, l'arrêt... Il y a une petite goutte d'eau d'humanité. Voilà, il y a cette petite goutte... on va dire qu'on écoutait les médecins, ce qui n'était pas forcément le cas dans les guerres précédentes, mais on commence à penser à la médecine pour l'homme, ce qui est tout à fait, enfin l'homme avec un grand H évidemment, l'humain, ouais. ce qui paraît bizarre, mais enfin, rappelons-nous le malade imaginaire, les opérations de, bon, Louis XIV encore avait de la chance, oui, on est encore à l'époque des saignées. Voilà, et il y a aussi une dimension qui apparaît dans les textes de l'arrêt, dans ses mémoires, c'est la dimension psychologique, vous l'avez évoqué, Thierry Lenz, il parle de la nostalgie du soldat, c'est un peu le traumatisme aussi de la guerre, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, l'aspect psychologique, cette c'est intéressant aussi, le soldat qui a le mal du pays, quoi. C'est sûr qu'ils ont beaucoup plus, mieux supporter l'éloignement en Italie qu'au fin fond de la Russie, ça oui, c'est une chose, mais aujourd'hui les études d'anthropologie militaire s'intéressent à ces phénomènes, le post-traumatisme, enfin tout ce dont on entend parler au retour des campagnes militaires d'aujourd'hui, existait déjà à cette époque-là. Et certains soldats, notamment des prisonniers, ne sont revenus qu'en 1815-1816, parfois après avoir passé de très très longues années, alors non pas dans des camps de prisonniers, mais au service de tels paysans. Il y a guère qu'en Espagne où on enfermait les prisonniers dans des camps, mais sinon, ils sont revenus généralement à pied. Beaucoup sont revenus du fin fond de la Sibérie à pied. Mmh. On estime à 200 000 prisonniers rentrés en 1815-1816. Oui, le bilan de la campagne de Russie est proprement dit est assez. Alors c'est un bilan terrifiant. D'abord, ce qu'il faut toujours dire dans ces matières-là, c'est qu'il est très difficile à établir. On estime que le nombre de morts est à peu près de 200 000, qu'il y a eu probablement plus de 150 000 prisonniers français, ça fait quand même 350 000 pertes, que beaucoup sont morts après, parce qu'on parle de l'épidémie de typhus, elle a été terrible en 1813-1814, et encore une fois, on ne peut pas dire il entre à 600 000, d'abord il entre pas à 600 000, il entre plutôt à 450, Napoléon entre à 600 000, il en sort 15 000, ça veut dire que tous les autres sont morts. Tous les autres sont pas morts, tous les autres sont déjà rentrés, tous les autres sont parfois morts, parfois prisonniers, souvent déserteurs. Les Russes ont calculé que entre 20 000 et 50 000 déserteurs se sont installés en Russie après la campagne. Donc le chiffre est très important. C'est une campagne qui a été très très meurtrière, mais ça n'est pas. Enfin, tout l'effectif n'est pas mort. Alors j'ai dit tout à l'heure que l'arrêt, d'une certaine manière, incarne les contradictions de l'Empire. Il est fils de cordonnier, il n'aurait sans doute pas eu la carrière qu'il a faite s'il n'y avait pas eu la Révolution. Il est fidèle à l'Empereur, il va recevoir la Légion d'honneur, il devient baron, même baron d'Empire. C'est une progression fulgurante et en même temps, c'est un médecin qui s'emploie à sauver des vies et qui, d'une certaine manière, dénonce les malheurs de la guerre. Les malheurs de la guerre et les outrances de la guerre, certainement. Oui, c'est étonnant ce parcours pour ça. Oui, alors c'est en même temps le parcours. C'est presque aussi le parcours de Napoléon dans une autre spécialité, si vous voulez. Oui. Ce sont les parcours de cette époque, c'est-à-dire petite bourgeoisie, toute petite noblesse qui monte jusqu'aux postes principaux de l'État parce que à partir de la Révolution et encore plus à partir du Directoire et de l'Empire, c'est vraiment le mérite. Mais au sens véritablement premier, c'est-à-dire que vous êtes méritant, vous montez, vous devenez baron d'Empire, vous êtes bien payé quand vous avez ce poste de chirurgien en chef à l'époque de la garde impériale, etc. Donc là, il y a quelques millions d'aventures humaines qui sont assez semblables et au fond, je ne dis pas qu'elles font rêver, mais enfin qui sont très exemplaires de ce qu'a pu être à un moment la promotion au mérite. Dominique Claret va continuer à pratiquer la médecine, bien qu'il soit, il ait cette image d'homme de Napoléon. Il sera présent en 1840 pour assister au retour des cendres de Napoléon et il meurt en 1842. Merci beaucoup Thierry Lenz. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres sur Napoléon, sur l'Empire, notamment le Dictionnaire historique Napoléon, un livre qui vient de paraître passionnant chez Perrin. Et je signale aussi qu'il existe un musée Larrey dans son village natal de Beaudéan, dans les Hautes-Pyrénées. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission, bien sûr, est réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons dans un club de jazz à New York. Un soir de 1939, Billie Holiday chante pour la première fois Strange Fruit, une chanson d'Abel Méropole qui dénonce le racisme et le lynchage. Strange Fruit, la chanson manifeste de Billie Holiday, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.